بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Donc mes frères bien-aimés, de par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous poursuivons les cours de cette soirée et nous poursuivons ce que nous avons entamé quant au à l'explication et à la définition et au informations liées à son nom noble et majestueux, Al-Latif. Nous avons cité jusqu'à présent la définition, et lors du dernier cours, nous avons cité également quelques aspects des bienfaits d'Allah Azza wa Jal à travers ce nom. Et aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, nous poursuivons et nous citons ce qu'Allah Azza wa Jal nous permet de citer pour compléter ce qui a déjà été dit. Et nous allons commencer, Inch'Allah Azza wa Jal, par le fait de citer ce que ce vers quoi renvoie ce nom, ou bien quelles sont les portées de ce nom. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'implore succès, rectitude et droiture dans ce qui va être dit. Amen. Donc, ce vers quoi renvoie ou ce qu'implique ce noble nom d'Allah azza wa jalla, Al-Latif. Le subtil dans son savoir et le subtil dans ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu précédemment le sens de ce nom, Al-Latif. Nous avons défini au sens linguistique et au sens religieux. Nous avons cité quelques versets, ou bien des versets, quelques versets, quelques hadiths qui renferment ce nom. Ensuite, nous avons cité quelques exemples des bienfaits d'Allah Azza wa Jal subtils. Aujourd'hui, nous passons à un autre élément qui est ce qu'implique ce nom. Ce vers quoi renvoie ce nom. Ce qu'implique ce nom, ce vers quoi renvoie ce nom, c'est des sens un peu lointains par rapport à la définition. Lorsqu'on dit une définition, c'est le sens le plus proche. Al-Latif, c'est celui qui connaît les choses subtiles et cachées. C'est celui qui fait parvenir ses bienfaits de manière subtile. Et c'est celui qui est préservé d'être cerné, celui qui n'est pas cerné par les regards des gens, ni par leur savoir. Donc ça, c'est les sens, c'est les portées les plus proches. C'est le contenant du sens premier de ce nom. Maintenant, lorsqu'on entend ce nom, Al-Latif, c'est celui qui fait 1, 2, 3. Bien, c'est celui qui a 1, 2, 3 attributs. Quand on entend cela, Al-Latif, on comprend des sens qui ne viennent pas au premier abord. Mais il est clair que ces sens sont existants et sont réels. Et ils sont nécessaires pour que se réalise le sens le plus proche. Donc voilà pourquoi je vous demande, aujourd'hui, je commence par cela, à l'écoute de ce nom, et après avoir connu le sens de ce nom, quels sont les portées, les sens qui vous viennent à l'esprit lorsque vous réfléchissez sur tout cela. Donc, on a eu... donc les réponses ont commencé à se déboîter. Les frères commencent à bien comprendre ce qui est voulu. C'est que Ali l'a parlé, il est arrivé à mettre le doigt sur la science. Allah Azza wa Jalla sait. Sait ce qui est bien pour toi. Tu veux te marier avec une telle. Allah sait qu'une telle n'est pas bien pour toi. Alors il va faire qu'il y ait des choses qui vont faire que tu ne vas pas te marier avec elle. Vous n'allez pas vous mettre d'accord sur la dot, les parents ne voudront pas. Toi, financièrement, tu n'es pas prêt maintenant. Tu vas partir en voyage. Ça, la finalité sera que tu ne te maries pas avec elle. Tu diras, c'est dommage. Mais Allah Azzawajal te préserve, te garde une personne qui sera celle qui te convient le mieux et celle avec qui tu rentreras au paradis, Inch'Allah Azzawajal, toi, vous et vos enfants. Donc, il y a la science, le fait de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il y a aussi la sagesse, mettre les choses à leur place. Je viens de voir Laurent, je viens de me rappeler qu'il voulait répondre. Smaliro. Donc, Inch'Allah, ces éléments, on va essayer de les détailler un minimum, Inch'Allah. Et bien sûr, lorsqu'on parle de détailler, c'est impossible de détailler tout ce qui concerne les noms d'Allah. Récemment, j'ai vu un passage d'une personne parmi les gens de science d'une époque précédente. Il a parlé justement de l'autre Allah. Il a parlé d'un élément. Il a dit que pour détailler cet élément, il faut al-mujalladat. Il faut des volumes de livres. Et dans ces volumes de livres, il a dit, on ne pourra pas traiter le dixième du dixième de ce qui concerne le sujet. Et c'est un savant parmi les grands, grands, grands savants de l'islam. Donc, il est connu pour être un érudit, rahimallah azza wa jalla. Mais ça pour vous dire que il est impossible de cerner les noms d'Allah, impossible de cerner les attributs d'Allah, impossible de cerner les actes d'Allah, ce qu'Allah azza wa jalla fait dans ses serviteurs. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit plusieurs fois, moi ce que j'essaye de faire, c'est vous essayer de vous donner des petites clés, des petits éléments, pour que vous fassiez l'effort nécessaire après, en relisant, en écoutant, surtout les savants, bien sûr dignes de confiance, et après en méditant à la base de ce que vous avez appris. Réfléchir. Et quand même lorsque vous vivez, rappelez-vous, la fois passée, je vous ai parlé d'un gâteau. C'est un élément qu'on vit, c'est rien, c'est une chose de tous les jours. Mais c'est à travers ces choses-là qu'on met en pratique la science. Et ça, c'est très, très important. Une fois, ça fait longtemps, j'avais lu un livre sur l'exhortation, Tazkiyat an-Nufus. Et la personne avait cité une chose qui m'avait trop étonné. Mais subhanallah, c'est très, très important. L'auteur avait dit, ou bien avait transmis une parole, lorsque il faut que vous reliez ce que vous vivez au monde de l'au-delà. Monde de l'au-delà, ça veut dire al-qiyama, ça veut dire al-jannah, ça veut dire ce qui concerne notre Seigneur et Créateur. Il a dit, par exemple, lorsque tu rentres dans une pièce sombre, il faut que ceci te rappelle la tombe, qui est obscure et sombre. Il dit, quand tu entends un bruit très fort, assourdissant, il faut que tu penses al-qiyama. Durant laquelle il y aura un bruit assourdissant plus fort que n'importe quel autre bruit qu'a pu entendre un être humain sur Terre. Et de même pour toute chose, tout ce qui t'arrive, essaye de faire un lien avec la religion. Comme ça, tu as le temps de t'arrêter, réfléchir, méditer et voir le bon côté des choses. Par exemple, tu fermes une porte. Et tu coinces ton doigt dans la porte. Ça fait mal. Mais toi, ne t'arrête pas à dire que ça fait mal, j'ai mal. Pense à autre chose. Subhanallah, ça c'est juste une porte qui s'est fermée sur mon doigt. Comment serais-je avec le châtiment d'Allah Azzawajal? Parmi le châtiment d'Allah, vous savez que celui qui retarde la prière, il y aura un ange qui lancera une grosse pierre sur sa tête. Il y a des gens qui seront frappés par des genres de marteaux, gros marteaux. Il y a plein d'autres choses. Quand tu prends ta douche, tu allumes l'eau, tu vas faire le wudu ou autre chose, l'eau elle est trop chaude, sans faire attention, tu touches une casserole qui est très chaude, ne va pas dire je me suis brûlé, j'aurai une trace. Tu vas le dire, tu le dis, il n'y a pas de souci de le dire, c'est pas haram, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Mais ne t'arrête pas à dire aïe, j'ai mal. Subhanallah, ça c'est le feu de la dunya. Ça c'est l'eau de la douche, elle est un peu chaude. Que dire des flammes de l'enfer? Le but, c'est qu'on essaye d'avoir une vision de ce qu'on vit qui est dictée, qui est cadrée par la religion. Et ça, je vous assure, mes frères, on l'a béni là. Ça sera une chose qui nous éduquera, qui nous rappellera beaucoup, beaucoup de choses. Ça nous freinera face à des mauvaises choses et ça nous encouragera vers des bonnes choses. Et ça nous ressourcera lorsqu'on aura besoin de ressources. Le nom d'Allah Azzawajal Al-Latif a pour portée, pour sens lointain, un certain nombre de choses. Parmi cela, nous avons le fait qu'Allah Azzawajal ait une science large et une maîtrise totale de toutes choses. Il sait ce qui est caché, ce qui est dans les profondeurs. Et il connaît très parfaitement les liens qu'il y a entre les choses. Et il cerne absolument les finalités des choses et ce qui renferme un bien et ce qui renferme un mal. Et il maîtrise parfaitement également le devenir des choses et des états. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de l'otf d'Allah Azzawajal, nous avons dit qu'Allah Azzawajal te fait parvenir ses bienfaits de manière subtile. Des fois, toi, tu vas dans une direction, tu dis que je vais droit dans le mur. Après, finalement, Allah Azzawajal fait que finalement, dans ce chemin que tu prenais, il y a une issue que tu ne voyais pas, que tu ne connaissais pas, que tu n'imaginais pas. Alors Allah Azzawajal t'a accordé cela. Mais pour réaliser cela, Allah Azzawajal doit savoir. Et il sait toute chose, subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous, nous avons dit également, parmi les bienfaits subtils d'Allah Azzawajal, c'est que des fois, toi, tu es attaché à une chose. Par exemple, te marier avec une telle. Et lui, il sait qu'une telle, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Tu n'es pas la bonne personne pour elle. Ou bien, vos conditions qui vous entourent, vos familles respectives, vos états aujourd'hui, font que vous n'êtes pas la bonne personne l'un pour l'autre. Alors, il vous éloigne et il mettra sur ton chemin au bon moment une autre personne, peut-être elle-même ou une autre personne, qui te conviendra, que tu le conviendras et qui aura les conditions nécessaires pour que ça soit une union correcte. Mais si Allah Azzawajal ne savait pas qu'après il y aura cette deuxième une telle, comment est-ce qu'il pourra faire, comment il pourra t'écarter de la première, sachant qu'il y aura une deuxième? Vous voyez? Donc, ces bienfaits d'Allah sont subtils et pour les réaliser, il faut savoir. Il faut savoir toutes choses. Il faut connaître toutes choses. Il faut maîtriser toutes choses. Il faut savoir que si on met fin à ton contrat de travail dans cette société qui était ta source de risque, s'il ne savait pas qu'après, on te proposera un meilleur travail avec un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail, l'autre ne pourra pas se réaliser. Alors pour qu'il se réalise, Allah Azza wa Jal sait qu'après, tu auras telle opportunité. Alors maintenant, il fait en sorte que tu arrêtes le travail. Tu ne te réveilles pas. Toujours, tu travailles à 6h du matin. Aujourd'hui, tu ne sais pas comment, tu t'es réveillé à 9h. Tu arrives au travail, l'employeur te dit, voilà ton dernier salaire. C'est pas ta faute. Voilà, qadarullah, tu as veillé la nuit pour X ou Y raison. Tu t'es pas réveillé. Donc tu vois, subhanallah, comment je vais faire pour travailler? Comment je vais faire pour payer mes factures? Comment? Allah Azza wa Jal savait qu'il y aura autre chose. Et de ce fait, il a prédestiné cela pour qu'à la finale, il y ait sa facilité et la bonne destination qui t'a été réservé. Donc, tout cela pour dire quoi? Que Al-Latif, le subtil dans sa science et dans ses bienfaits, c'est celui qui connaît toutes choses et maîtrise toutes choses et cerne toutes choses par sa science. Il connaît les choses qui sont cachées, il connaît les liens qu'il y a entre les choses. Aujourd'hui, maintenant, il pleut. Allah Azza wa Jalla sait après la pluie qu'est-ce qui va se passer. S'il pleut maintenant, quel sera le résultat? Allah Azza wa Jalla sait s'il y a telle chose, quel sera le résultat? Si tu auras un enfant, quel sera le résultat? Si tu auras une fille, quel sera le résultat? Donc il connaît les liens qu'il y a entre les choses. Il connaît aussi le devenir des choses. Tu étudies, il sait quel sera le devenir de cela. De tes études et de toi. Tu travailles, il saura quel sera le devenir. Tu te maries, il saura est-ce que le mariage sera réussi ou pas. Tu divorces, il saura est-ce que ce sera un bien pour toi ou non. Tu tombes malade, il saura quelle sera la finalité, est-ce que tu guériras ou pas. Et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal sait également en quoi réside le bien et en quoi réside le mal. Nous, on pense que le bien est dans la richesse. On estime. On a ce penchant, on a cette chahwa, cette envie, ce besoin, ce rêve, la richesse, la beauté, la santé, beaucoup de choses. Mais en vrai de vrai, on ne sait pas est-ce que notre bonheur, notre bien, notre bien dans ce bas monde, dans le-delà, réside dans ces choses ou pas. Mais Allah Azza wa Jalla sait est-ce que le bien réside en cela ou pas. C'est pour ça que des fois, il nous écarte de certaines choses parce qu'il sait que ces choses sont mauvaises pour nous. Et il nous rapproche de certaines choses alors qu'on dit, c'est ce qui me reste pour moi. Mais il sait que ce qui reste pour toi, c'est beaucoup mieux pour toi que si tu aurais pris l'autre part. Donc ça, c'est la première portée de ce nom. Allah Azza wa Jalla sait toutes choses. C'est vrai, lorsqu'on dit Allah sait toutes choses, on dit qu'il sait toutes choses. Mais dans l'approche que nous faisons, c'est pour orienter notre regard, notre pensée, notre réflexion vers ces subtilités-là. Et que Al-Latif, ça renferme dans son sens, dans son sein, Al-Alim, le connaisseur de toutes choses, celui qui a embrassé toutes choses de par sa science et sa connaissance, et par sa science, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième sens parmi les portées de ce nom Al-Latif, c'est que notre Seigneur, Créateur, le Tout-Haut, subhanahu wa azzawajal, a une sagesse énorme et parfaite, qui embrasse toutes choses. Il sait ce qui est bien pour les gens et ce qui n'est pas pour eux. Et Allah azzawajal réalise pour les gens ce qui est le mieux pour eux, le plus bénéfique, à l'instant, dans le futur proche, dans le futur lointain, dans l'au-delà et dans leur sort au paradis ou à l'enfer. Et il se peut qu'Allah Azza wa Jal prédestine à certaines personnes quelques difficultés ou quelques soucis afin de leur faire vivre ce qui est un bien énorme et un bienfait très large. Il peut les priver de ce qu'ils aiment afin qu'ils ne subissent pas un tort et afin que se réalise pour eux le meilleur des biens, le mieux que ce qu'ils espéraient. Pour faire parvenir ces dons avec subtilité, de la façon que nous avons citée, Allah Azza wa Jal est sage. Ce qui implique qu'il sait où mettre les choses, comment gérer les choses, de manière à ce que la finalité soit la meilleure des finalités. Allah Azza wa Jal sait ce qui est bien pour les gens et ce qui est mal ou mauvais pour les gens. Nous, on pense que notre bien est dans la richesse, dans la beauté, dans la santé, dans les études, dans les diplômes, dans l'argent. On pense que notre bien, c'est de se marier avec une telle parce que, voilà, elle est bien, elle est belle, elle a des caractères, des qualités qui font qu'on pense qu'elle est bien pour nous. Mais en vrai de vrai, il se peut que tout ce que je viens de citer ne soit pas bien pour toi. Pour une raison ou pour une autre, combien y a-t-il de personnes qui ont de bonnes qualités? C'est des personnes dans la religion, c'est des personnes simples et humbles. Quand ils se rencontrent, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Qadarullah. Ils n'arrivent pas à s'entendre parce qu'à un moment donné, voilà, ils sont disputés pour une place de parking et après ils sont pris la tête ou bien ils sont pris... Pour comme on aurait dit à notre époque, pour des broutilles. Mais Qadarullah, ils ne se sont pas mis d'accord. Et ça a fait qu'il y a des divergences. Lorsque les gens divorcent, ça ne veut pas dire forcément que lui, il est mauvais ou elle, elle est mauvaise. C'est juste qu'ils ne se sont pas entendus des fois. Il y a des cas où il y a une personne qui est mauvaise, une des deux, mais ce n'est pas forcément le cas de tout, ce n'est pas tous les cas. Voilà pourquoi des fois, celui-là qui a divorcé, il va se marier avec une autre, ils vivront bien, et celle-là qui a divorcé avec lui, elle va se marier avec un autre, avec qui elle sera bien. Donc, nous, on pense que notre bien est dans la richesse. C'est pour ça, oh Allah, donne-moi une subsistance large. Combien parmi nous n'ont pas rêvé ou n'ont pas invoqué de trouver une valise remplie d'argent, ou d'avoir 1 million, ou d'avoir ceci, ou d'avoir cela. Mais en vrai de vrai, y a-t-il notre bonheur dans cela ou pas? Est-ce que c'est un bien pour nous d'avoir cela ou pas? Même la santé, même les diplômes, le travail, même le mariage, les enfants. Combien y a-t-il de personnes, leur épreuve était dans leurs enfants? Ils ont cherché les enfants pendant des années et des années. Ils ont rêvé. Une fois qu'ils ont eu des enfants, ça a été leur épreuve. Et ça a été la cause de leur égarement même, des fois. Donc, les gens, en vrai de vrai, on ne sait pas, il est où notre bien? Alors qu'Allah Azzawajal, il sait où est notre bien. Il sait ce qui est utile et profitable pour nous, et ce qui ne l'est pas. Voilà pourquoi Allah Azzawajal a dit: et il se peut que vous aimiez quelque chose et qu'elle soit mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez quelque chose et qu'elle soit bonne pour vous. Dans l'autre verset, et il se peut que vous détestiez quelque chose et qu'Allah Azza wa Jalla mette un grand bien dessus ou dedans. Ce verset a été utilisé une fois par une femme. Vous savez, avant, à l'époque des salafs, des fois, il y avait des mariages qui étaient organisés de manière à ce que le mari ne voit jamais l'épouse. La première fois où il la voit, c'est la nuit de noces. Et il y a beaucoup de gens qui sont mariés comme ça avant. Une personne qui s'appelait Anas a fait la même chose. Il voulait se marier, on lui a ramené une femme, et le soir, il est rentré. Quand il l'a vue, elle ne l'a pas plu. Et ça s'est vu sur les traits de son visage. La femme l'a vue. Elle a compris. Elle lui a cité le verset. Il se peut que vous détestiez quelque chose et Allah y mette un grand bien. C'est un rappel, une exhortation, la parole d'Allah. Ça l'a touché. Il a accepté. Il a accepté le décret d'Allah Azza wa Jal. Il a accepté sa destinée. Il a pris ce que Allah Azza wa Jal lui a donné. Alhamdulillah, il a vécu avec elle. Après un certain temps, elle est tombée enceinte et lui, il a dû partir en voyage. Un très long voyage. Après plusieurs années, il est revenu. Il est revenu. Il est parti directement chez lui. Il a vu un jeune homme chez lui. Tu fais quoi? Ils se sont battus. On les a séparés, Mohem. Quelque temps plus tard, il est parti à la mosquée. Il a vu une halqa, un dars. Il a vu un jeune, mashallah. Il y a beaucoup de science, il y a beaucoup de gens qui sont autour de lui, il transmet la science, il répond aux questions. Il a assisté au cours, après il est rentré chez lui, il a dit à sa femme: ah, subhanallah, t'as vu, je suis parti à la mosquée, il y a un jeune, mashallah et tout. Et lui, ce jeune, c'est ton fils. Vous voyez, il se peut que vous détestiez quelque chose et Allah y mette un grand bien. Ce fils était qui? Malik, fils de Anas, le grand imam connu, Malik ibn Anas. Donc, lui, il a, je ne sais pas ce qu'on peut dire qu'il a détesté cette femme, mais elle ne lui a pas plu. Mais il a fait confiance en la parole d'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal a fait que son enfant soit Malik ibn Anas, le grand imam. Et vous savez que l'enfant est considéré comme l'action du père. Ça veut dire que toutes les bonnes actions que l'enfant a fait, le père aura la même récompense, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc, cette personne a cru en ce verset, sa portée, et voilà le résultat. Donc, voilà pourquoi voilà pourquoi nous avons dit que Allah Azzawajal sait où est le bien et les gens ne savent pas. Et Allah Azzawajal, avec sa sagesse, fait réaliser le bien de ces personnes, même si eux, ils pensent qu'il y a un mal dans, dedans. Mais en vrai de vrai, il y a un bien, parce que Allah sait les choses. Et le bien de ces personnes, des gens, peut se réaliser aussitôt, un peu plus tard, longtemps plus tard, ou dans l'autre vie. Au début de l'autre vie, ou à la fin, à la finalité, ça veut dire le paradis ou l'enfer. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est dans cette dunya, je veux bien vivre. Mais Allah Azzawajal sait que toi spécifiquement, si tu vis bien comme tu le souhaites, peut-être que ceci va te mener vers l'autre chemin. Et Allah ne veut pas ça pour toi, alors il t'écarte de ce bien auquel tu es attaché pour te faire vivre une autre chose qui va avoir la meilleure finalité pour toi, Inch'Allah Azzawajal. Et dans cela, dans cette sagesse d'Allah Azzawajal, il se peut qu'Allah Azzawajal fasse subir à une personne des difficultés, des complications, des épreuves, pour que se finisse son chemin par une ouverture, par une facilité, par des bienfaits d'Allah Azzawajal. Ces épreuves peuvent être une purification, peuvent être une éducation pour la personne. Des fois, il y a des gens qui sont hautains. Ah, moi, tu vois, intelligemment, je suis, voilà, j'ai un QI avec très élevé. Oui, tu sais, moi, j'ai fait des réalisations. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela. Majeur de promo dans ceci. Et des fois, les gens prennent la grosse tête. Des fois, pour Allah Azzawajal veut le bien de ces personnes, pour qu'ils mettent les pieds sur terre, ou les mettent les pieds dans l'eau, il leur fait subir des choses. Et après, ces personnes savent que ce avec quoi ils s'enorgueillent, ils s'enorgueillaient, au fait, ne méritent pas. Et de ce fait, ils descendent de plusieurs crans et deviennent humbles, simples, modestes. Et ils savent que les biens en vrai de vrai ne viennent que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, Allah Azzawajal prive, de par sa sagesse, prive des gens de ce qu'ils aiment pour leur éviter un tort plus grand. En effet, comme nous avons cité dans le verset, il se peut que ce que nous aimions soit un mal pour nous. Nous, on y est attachés, moi je veux. Et finalement, si Allah te le facilitait, peut-être que tu aurais subi des mauvaises choses. Donc, la première portée de ce nom, c'est la science qui embrasse toute chose. Deuxième chose, la sagesse. La troisième chose, ce que nous étudierons après la traduction, Inch'Allah Azzawajal. La troisième, ou bien le troisième sens qui représente la portée de ce nom, une des portées de ce nom, Al-Latif, c'est qu'Allah Azzawajal, c'est lui le tout miséricordieux, très miséricordieux, celui qui fait parvenir ses bienfaits sur ses serviteurs, celui qui est bienfaisant envers eux, celui qui leur accorde sa subsistance, le doux et le subtil, le bienfaiteur, celui qui accepte le repentir et celui qui pardonne les péchés, celui qui entend et exauce les invocations, celui qui est proche, le protecteur. Nous avons dit que le Al-Latif, le subtilement doux, dans sa science et dans ses bienfaits, a pour sens qu'Allah Azzawajal fait parvenir ses bienfaits à ses serviteurs. Les bienfaits d'Allah Azzawajal sur ses serviteurs peuvent être des bienfaits de cette dunya, peuvent être des bienfaits liés à la religion, et peuvent être des bienfaits liés à l'au-delà, après la mort. Les bienfaits de ce bas monde, nous avons tous besoin de cela. La santé, le risque, la famille, ne pas être en guerre, beaucoup de choses comme ça. Et c'est une partie du sujet des bienfaits d'Allah Azzawajal sur nous. Le deuxième, c'est la religion. La religion, c'est le meilleur bienfait d'Allah Azzawajal sur nous, d'être musulman, d'être sur la sunna, d'être parmi les personnes qui cherchent à connaître leur religion, qui font des efforts pour la mettre en pratique. Parmi les bienfaits d'Allah Azzawajal, c'est le fait d'avoir autour de nous des gens de science, des cours, une capacité d'accéder à la science, aux fatwas des personnes de science fiables et dignes de confiance, aux exhortations correctes et convenables. Tout cela font partie des bienfaits d'Allah Azzawajal liés à la religion. Il y a aussi la bonne compagnie, les frères qui te motivent, viens, on va au cours, laisse tomber ça, viens, on va à la mosquée, laisse tomber ceci. Attention, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Cette bonne compagnie, c'est un bienfait d'Allah Azzawajal lié à la religion. Et parmi les bienfaits d'Allah Azzawajal liés à l'au-delà, c'est le fait de te pardonner tes péchés, de t'accorder la réussite pour faire les bonnes actions. Combien y a-t-il de personnes qui veulent faire des bonnes actions? Combien? Ils n'arrivent pas. Il y a des gens qui te disent, voilà, aujourd'hui je vais partir à la mosquée pour faire l'Asr. Pas de souci. C'est l'heure de l'Asr, il a un empêchement. Il a un empêchement ou un semblant d'empêchement. Il ne peut pas. Mali, je n'ai pas pu partir pour l'Asr, j'y vais pour le Maghreb. C'est le Maghreb, des fois tout bête, c'est des choses toutes bêtes. Il y a une chose qui fait qu'il est retardé. Un coup de téléphone, sa sœur l'appelle, il reste avec elle, elle retient au téléphone et tout. Ah oui, subhanallah, je n'ai pas vu le temps passer, je n'ai pas le temps d'aller à la mosquée. Donc, Allah Azza wa Jal n'accorde pas la facilité, n'a pas accordé la facilité à cette personne d'aller à la mosquée. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont à la mosquée. Et ces autres personnes, Allah leur a accordé ses bienfaits et leur a permis d'aller faire cette chose. Ils ont été sélectionnés par Allah. Ils ont été choisis par Allah Azza wa Jal pour faire cela. Et parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal au niveau de la religion, ou bien de l'au-delà, pardonner les péchés, faciliter aux gens le repentir. Wallah, ça c'est une chose qui est très difficile pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui n'ont pas la motivation pour se repentir. Il sait ce qu'il fait, c'est haram. Il sait que c'est pas bien, il sait qu'il risque gros. Il n'arrive pas. Tu lui dis pas, il te dit, il lit, il écoute, il sait tout. Allah ne lui facilite pas à le repentir. Se repentir, c'est une chose, mais est-ce que l'acceptation du repentir, le pardon des péchés, l'absolution des péchés aussi, ça c'est des bienfaits d'Allah Azzawajal qui l'accorde à qui il veut. Il peut l'accorder à des personnes, il peut les priver de d'autres personnes. Donc ça aussi, ça rentre dans les bienfaits d'Allah. Voilà pourquoi nous avons dit que ce nom, Al-Latif, renvoie vers beaucoup d'autres noms d'Allah Azzawajal et beaucoup de ses attributs. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Celui qui octroie la subsistance, le razzaq, le bon, le bienfaiteur, le subtil, le doux, et ainsi de suite. Celui qui accepte le repentir, celui qui pardonne les péchés, aussi Samir al-Mujib, celui qui entend, et celui qui exauce. Ça aussi, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et Al-Latif, parmi ses bienfaits, c'est d'entendre tes invocations et répondre à ces dernières. Ça revient vers quoi? Vers ces noms d'Allah, celui qui entend et celui qui répond à tes invocations. Al-Qarib, celui qui est proche. Il est proche de toi, il sait ce que tu vis, ce que tu sens. Il connaît tes souffrances, il connaît tes douleurs. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur, dans ton esprit. Il connaît tes craintes, tes peurs, tes pleurs, tes soucis, tes détresses. Il sait qu'est-ce qui te dérange. Des fois, tu vis une situation à laquelle tu ne peux pas faire face. Au niveau conjugal, familial, au niveau de ton fils, de ta mère, de ton père, de ton frère, des fois, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas faire quelque chose. Tu ne peux rien faire parce que les conditions font que tu as les bras, les mains liées. Allah Azza wa Jalla sait. Tu dis, Ya Allah, oh Allah, vois ce qu'il y a dans mon cœur. Oh Allah, allège mes situations. Quelle situation? Tu ne l'as même pas cité. Et lui, il sait, parce qu'il est proche. Il sait ce que tu vis, au moindre détail. Donc tout ça, c'est des sens qui sont renvoyés d'une certaine manière par le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Latif. Le quatrième sens, parmi les portées de ce nom, c'est qu'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui peut faire tout ce qu'il veut. C'est lui le fort, le noble, le dominateur, le triomphant, celui qui l'allie et celui qui donne le triomphe et la réussite à ses serviteurs. Le riche, le possesseur de toutes choses, le roi, celui qui gère et administre toutes choses avec justice. Au premier abord, on peut penser que ces noms et attributs renvoient vers des choses trop différentes, trop éloignées et pas liées du tout. Si c'est le cas, si vous avez pensé cela, la réponse est que peut-être que vous vous limitez aux quelques exemples que j'ai cités pour expliquer ces notions-là. En effet, je me suis répété plusieurs fois en parlant de mariage, en parlant de santé, en parlant d'argent, de réussite, de travail et tout. Mais en vrai de vrai, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal ne se limitent pas à cela. Nos besoins, ce que nous aimons, ce qui est utile pour nous, ce qui est nuisible pour nous, ne se limitent pas à cela. Donc, pour comprendre tout cela, il faut imaginer toutes les situations, ou beaucoup de situations, on ne peut pas imaginer toutes les situations, mais on imagine un maximum de situations dans lesquelles on a besoin des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous. Qu'ils soient des bienfaits apparents ou bien des bienfaits subtils. Donc, parmi les situations, il y a le fait de subir une injustice. Voilà, une injustice tombe sur toi. Une personne tyranne, une personne qui profite de son autorité, de sa richesse, de ses contacts, et elle te fait subir une injustice. Un pays, une armée, tyranne, injuste, qui fait subir un génocide, qui fait subir une extermination, qui fait tout ce qu'on peut imaginer. Là, les gens ont besoin. Ont besoin du secoureur. Ont besoin de celui qui donne le triomphe, de celui qui préserve et qui défend. De même, pour d'autres choses, on a parlé de donc tout ceci nécessite la capacité de faire ce qu'il veut. Toi, tu invoques Allah. Oh Allah Azza wa Jal, accorde-moi justice dans mon affaire. Allah t'entend, il veut te répondre. Mais s'il ne peut pas faire ce qu'il veut, alors il ne pourrait pas répondre à ton invocation. Et certes, Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Donc, Allah Taif, rien ne l'empêche de faire ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il a la capacité de faire toute chose. Il est fort, il est noble. Quand tu demandes justice, quand tu demandes de repousser des assaillants, de repousser des tyrans, de repousser des mauvaises personnes qui te veulent du tort à toi, à ta famille, tes enfants, pour cela, il faut une force, la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est le dominateur, le triomphant, celui qui triomphe. Et aussi, c'est l'allié de qui ? Des croyants. Pour qu'il vienne de ton côté et qu'il t'accorde le succès à toi et pas aux autres, il faut qu'il soit ton allié. Il faut que tu sois son allié, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, on demande à Allah Azza wa Jal les richesses. Pour nous donner les richesses, il faut qu'il soit riche. Et Allah Azza wa Jal a les richesses des cieux et des terres. Pour donner des richesses, il faut les posséder. Et Allah Azza wa Jal, c'est le possesseur de toutes choses. Et lorsqu'on demande une justice, on demande à Allah de juger, j'ai un différent entre moi et un tel, quel que soit ce un tel, si je demande justice auprès d'Allah, il faut qu'il soit juste. Il faut qu'il sache toute chose et qu'il donne le juste jugement sur toute chose. Donc voilà pourquoi tous ces noms, et bien d'autres, s'appliquent, font partie des portées de ce nom Al-Latif, et qu'ils viennent pour consolider ce nom, Allahu Azza wa Jalla wa Alam. Et en dernier, le cinquième sens parmi les portées de ce nom, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jalla soit le noble, le majestueux, le grand, le tout haut, celui qui n'est pas, celui qui ne peut pas être cerné de par la science et la connaissance, ni par le fait d'être vu. Ça reprend le troisième sens parmi les sens du nom d'Allah al-Latif, c'est qu'Allah Azza wa Jal, rien ni personne ne peut le cerner. Il cerne toutes choses, mais rien ne peut le cerner. Et ça, c'est une chose que nous avons vue. Et Allah Azza wa Jal est plus sage et plus savant. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم والله عز وجل مسؤول أن يرحمنا جميعا وأن يلطف بنا جميعا أن يتغمدنا برحمته نحن ووالدينا وأهلينا وسائر المسلمين فاللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سير question sinon. نعم أيها le début de ta question, concernant le début de ta question, oui, tu peux demander ce que tu veux à Allah, en pensant que c'est un bien pour toi. Mais aussi, donc tu peux dire, oh Allah, par exemple, je veux avoir mon bac. C'est une chose à travers laquelle tu ne sais pas, toi, ce qui est vraiment ton bien ou pas. Mais de base, dans la règle générale, c'est un bien pour toi. Donc rien ne t'empêche d'invoquer, de faire cette invocation. Oh Allah, je veux réussir mon bac, permets-moi d'avoir mon bac et de réussir. Tu peux formuler cela sans aucun souci. Et tu peux formuler de manière différente. Oh Allah, s'il y a dans cela un bien pour moi, réalise-le-moi. Permets-moi de l'avoir, permets-moi de le réaliser. Ça, c'est une autre façon d'invoquer qui est encore meilleure. Sauf que la première façon de formuler le doua, elle est correcte, elle est bonne. L'erreur à ne pas faire, c'est de t'attacher et de te cramponner à ton invocation. Oh Allah, je veux réussir mon bac, tu ne réussis pas ton bac. Ah, j'ai invoqué Allah, il ne m'a pas répondu. Non. Si tu as bien invoqué, il t'a répondu, même en te privant de ce bac. Bon, normalement, le bac... Même en te privant de ce bac. Pourquoi ? Parce que toi, tu voulais 10, par exemple. 10 euros. Oh Allah, donne-moi 10 euros. Et tu n'as pas ces 10 euros. Mais il te donne autre chose avec lesquelles tu peux gagner 1000 euros. T'es perdant dans l'affaire ou t'es gagnant dans l'affaire ? La même chose. Quand tu dis, oh Allah, je veux cette chose, je veux le bac, par exemple. Toi, tu es focus sur le bac, mais Allah, de par sa sagesse, de par le fait qu'il soit al-latif, il choisit pour toi ce qui est mieux pour toi. Il peut te priver de ce que tu as demandé, parce que lui, il sait que dans cela, il y a un mal. Alors, il t'oriente, il te prédestine autre chose qui est encore mieux pour toi. Tu comprends ? Maintenant, la dernière partie de ta question, est-ce que je peux dire, oh Allah, s'il n'y a pas un bien dans cette chose, fais qu'il y ait un bien. Allahu alam. Allahu alam. Récemment, j'ai vu quelque chose à ce sujet, mais je n'ai pas retenu. Allahu alam, là, je ne peux pas te dire. C'est bon ? جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ربي يبارك فيكم.